إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 43 dans l'explication de l'usul al-thalatha et c'est le sharh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Donc le Cheikh il explique et il dit wa min al-ihsan fi al-aqidati al-iman bi dhati Allah wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula 'ala al-wajh alladhi yurdi Allah tabaraka wa ta'ala anhum. إيمانا بذاته وأسمائه وصفاته بدون تشبيه أو تمثيل وبدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل بل على الوجه الصحيح كما أمرهم الله عز وجل وعلمهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le Cheikh il explique que parmi les éléments de l'Ihsan l'Ihsan, le fait de faire preuve d'excellence dans notre adoration, dans qu'est-ce qui a rapport avec la aqida, comme on en a parlé au dernier cours, le cheikh il continue encore à donner des exemples de ihsan dans la aqida. Et il dit que parmi les éléments de l'ihsan dans la aqida, il y a bien entendu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs. La foi en ses beaux noms et en ses attributs élevés. Et de la manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut croire en Allah, en ses noms et en ses attributs, de croire en ses noms et ses attributs et en son être, sans faire de tashbih, sans faire de tamthil, sans faire de ta'wil, sans faire de tahrif et sans faire de ta'til. On a expliqué ces termes-là déjà dans les cours précédents. Et juste pour faire un petit résumé, juste pour clarifier une petite explication courte de chaque terme, at-tashbih c'est quoi? C'est de dire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc on doit nier ça, c'est-à-dire que quand on affirme la foi en Allah, en ses noms et en ses attributs, il faut nier toute ressemblance entre le créateur et la créature ou comparaison. On n'a pas le droit de faire de tashbih entre Allah et sa création. Le deuxième terme, c'est at-tamthil. At-tamthil, c'est le fait de comparer, de faire une comparaison, de dire, par exemple, comme disent les mushabbiha, ceux qui font des ressemblances entre Allah et la création, ils disent la main d'Allah est comme la main des créatures, ou les yeux d'Allah sont comme les yeux des créatures. Ça, c'est du tashbih, c'est du tamthil, et ça, c'est du kufr. Hein? Les ulama ont dit que ça, c'est du kufr, du shirk. C'est celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Parce qu'il fait ressembler Allah à sa création. Ou bien qu'il fait le contraire. Il donne à des créatures des attributs d'Allah. Comme il dit par exemple, mon cheikh, il connaît le ghaib. Et il sait l'invisible. Et il sait qu'est-ce qui va y arriver dans l'avenir. Celui qui dit ça, il a fait ressembler la créature à Allah. Il a donné à la créature des attributs divins. Et ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk aussi. Hein? Et c'est confort de faire ça. Donc, il dit, et aussi, biduni ta'wilin. Al-ta'wil, on l'a expliqué. Al-ta'wil ou al-tahrif. Donc, quand on dit ta'wil et tahrif, les deux termes sont synonymes. Ils ont la même signification. C'est-à-dire de falsifier l'essence des attributs d'Allah. De leur donner une fausse. C'est-à-dire de changer le sens réel de ses attributs et de ses noms. Hein? Dans le but de les nier. Ça, c'est l'attitude des gens de bid'ah avec les noms d'Allah. quand on leur dit Allah a une main, eux ils déforment le sens. Ils disent Allah, sa main ça veut pas dire main, ça veut dire force. Ou sa main ça veut pas dire main, ça veut dire grâce. Donc, ils déforment le sens des attributs d'Allah. Quand on dit Allah est au-dessus de son trône, eux ils disent non, ça veut pas dire au-dessus de son trône. Istawa, ça veut dire istawla, ça veut dire qu'il a pris le contrôle, il a conquis le trône. Hein? Tout ça c'est des exemples de tahrif. Tu déformes le sens, tu falsifies le sens. Et at-ta'wil, c'est dans le même sens que ça. Même si le ta'wil, c'est plus ambigu. Quand ils utilisent le terme ta'wil, c'est plus ambigu. Pourquoi? Parce que ta'wil veut dire, aussi, ça a un bon sens aussi. Ta'wil, c'est employé comme dans le sens de tafsir, par les ulama. Donc quand tu lis dans les livres des ulama, des salafs, quand ils disent le ta'wil de ce verset, ça veut dire le tafsir de ce verset, l'explication de ce verset. Donc eux ils utilisent un terme qui est correct, mais ils l'utilisent dans le sens de tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs d'Allah pour leur donner un autre sens qui n'a rien à voir. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et at-ta'til aussi, ça c'est une autre chose qu'on n'a pas le droit de faire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire le ta'til, c'est-à-dire tu nies l'attribut complètement, hein? Tu vides l'attribut de son sens. Ça aussi c'est quelque chose qui est interdit. Puis un autre élément que le cheikh n'a pas mentionné mais qui est aussi important, c'est at-takif, qu'on n'a pas le droit de faire de takif quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander comment. Hein? Comment est Allah, comment est sa main, comment est ses yeux, comment il est élevé au-dessus de son trône, comment il est omniscient, comment il... Hein? On ne peut pas demander comment, parce qu'on ne peut pas le savoir. Parce que Allah ne nous l'a pas dit, il ne nous l'a pas expliqué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus. Donc si on ne le sait pas, alors on doit se taire. Et on se limite à affirmer ce qui est mentionné et à nier ce qui est nié par Allah, et on s'arrête là. Hein? On ne dépasse pas la limite de qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Ensuite, le cheikh il dit وَأَمَّا الْإِحْسَانِ فِي الشَّعَائِرِ التَّعْبُدِيَّةِ بَدْءًا بِالطَّهَارَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَهَا رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم بَيَانًا مُفَصَّلًا فِي سُنَّتِهِ حيث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فبين الله سبحانه وتعالى فرض الطهارة لأهميتها وكيف لا تكون مهمة وهي شرط أساسي من شروط صحة صلواتنا فريضة ونافلة. Donc le cheikh il explique que également il faut avoir de l'ihsan dans les éléments d'adoration qu'on fait, en commençant par la purification, en commençant par at-tahara, que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué en détail dans sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 dans surat Al-Ma'ida, hein, lorsque on doit comment faire la purification et comment se purifier. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour faire la salat, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes et également frottez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles, et si vous êtes impur, c'est-à-dire vous avez une impureté majeure à cause de, vous êtes junub, c'est-à-dire vous êtes en état de janaba, c'est-à-dire que vous avez eu des rapports sexuels avec vos épouses, alors purifiez-vous. Et si vous étiez malade ou en voyage, ou que l'un d'entre vous vient d'avoir rempli ses besoins, c'est-à-dire vous êtes allé faire vos besoins, ou vous avez eu des contacts avec votre épouse, avec une femme, hein, votre femme, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec de la terre propre, hein, et passez vos mains sur vos visages et sur vos mains, hein, passez-les sur vos mains et vos visages et vos mains. Donc il nous explique dans ce verset-là les règles pour faire at-tahara, pour se purifier, et il mentionne l'impureté majeure, l'impureté mineure, et également comment faire le tayammum lorsqu'on n'a pas d'eau. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nous explique la purification à cause de son importance. Et le cheikh, il dit, comment ce serait pas, comment on pourrait penser que c'est pas important, alors que c'est une condition fondamentale dans nos prières. Que ce soit des prières obligatoires ou recommandées, c'est obligatoire de respecter cette condition-là, d'être en état de pureté pour pouvoir faire la salat. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et le cheikh, il dit, bal, wa fi ghayriha ka tawaf bil bayt wa tilawat al quran wa nahwa dhalik. Donc, il dit que même que c'est obligatoire, c'est-à-dire que même que la purification est obligatoire également, lorsqu'on veut faire le tawaf autour de la Kaaba, lorsqu'on veut réciter le Coran, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a, ça nécessite la purification. Et après le cheikh il dit wa bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi wa fi'lihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué par sa parole et par son action, par son exemple. Et souvent les salafs quand ils enseignaient le wudu, quand les gens venaient les voir par exemple pour dire je veux apprendre comment faire le wudu, eh bien, les sahaba et les tabi'in, comment ils faisaient? Ils disaient, amenez-moi un plat, un contenant de, avec de l'eau dedans, et ils leur montraient, yani, pratiquement, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait son wudu. C'était pas juste un enseignement comme théorique ou avec des explications verbales, mais c'était même la pratique même, montrer directement devant eux pour que ce soit plus facile à comprendre et plus facile à apprendre. Le cheikh il dit et je me rappelle je pense que Mustapha il s'en souvient aussi parce que il fait partie des anciens à Montréal quand on a commencé à apprendre le wudu et le rosol et tout ça, il y a le frère qui nous apprenait, Ranem, qui nous donnait les cours, et lui il nous faisait les cours, justement il nous montrait pratiquement ces choses là, comment les faire, il nous donnait l'exemple. Comment les faire exactement tel que yani, c'est décrit dans la sunna. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit wa idh qala fi ta'limihi lil musi fi salatihi wa bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi wa fi'lihi idh qala fi ta'limihi lil musi fi salatihi حيث قال له اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء فأمره بادئ ذي بدء بالطهارة وأمر أصحابه أن يحضروا له ماء في طست فتوضأ لهم وهم يشاهدون. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, lorsque quelqu'un faisait sa prière mais il priait pas correctement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré et lui a expliqué comment faire la prière correctement. Et il lui a dit, lorsque tu te lèves pour faire la salat, alors fais ton wudu correctement. Puis il lui a expliqué, comme c'est mentionné dans le hadith, selon Abi Huraira, le cheikh il l'a mentionné en note de bas de page, il dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid, fadakhala rajulun fasalla, fasallama ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faradda wa qal, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. » فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وزاد مسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Donc le cheikh il mentionne donc ce hadith, et on l'appelle en arabe ce hadith là hadith al-musi fi salatihi, hadith al-musi li salatihi ou fi salatihi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui ne priait pas correctement, la personne qui priait pas correctement. Donc le hadith il raconte quoi? Il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée et un homme est rentré par la suite et il a fait le takbir, il a prié. Il a fait le takbir, il a prié. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire assalamu alaykum. Il finit la prière, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Hein? Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il refait sa prière encore une fois. Et quand il a fini, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il dit, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourne faire ta prière parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme, il retourne encore une fois. Et là, il s'assoit encore et il vient pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et fais ta prière parce que tu n'as pas prié. Alors, l'homme, il s'est avoué, vaincu, il a reconnu qu'il ne savait pas faire mieux que qu'est-ce qu'il avait fait. Il a dit, oh messager d'Allah, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait là. Alors, enseigne-moi. Enseigne-moi comment prier correctement. Alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné et lui a expliqué quoi faire. Donc, il lui a dit, lorsque tu te lèves pour ta salat, alors tu fais le takbir. Puis tu récites ce que tu as avec toi de Coran. Puis tu fais le recours jusqu'à ce que tu sois en tranquillité. Tu te sens reposé dans ton recours. Puis tu te relèves jusqu'à ce que tu te sens reposé dans ta position debout. Puis tu te prosternes jusqu'à ce que tu te sentes reposé dans ton sujoud. Puis tu t'assois jusqu'à ce que tu te sentes reposé dans ta position assise. Puis que tu te reprosternes encore jusqu'à ce que tu te sentes en repos dans ton sujoud. Et tu fais ça dans toute ta prière, il a dit. Et l'imam muslim, il a rajouté au début de ce hadith, lorsque tu te lèves pour la salat, fais bien ton wudu, puis tourne-toi vers la qibla et fais le takbir, fakabbir. Donc ça, c'est l'exemple comment le professeur sallam, il a corrigé quelqu'un qui ne priait pas correctement. Et il lui a appris comment prier correctement. Combien d'entre les musulmans aujourd'hui, tu vas à la mosquée, tu regardes les musulmans qui prient, tu en vois certains comment ils prient n'importe comment. Donc il y en a qui prient tellement rapidement, tu te demandes même comment il fait pour réciter Al-Fatiha. Subhanallah, moi, ça m'est souvent arrivé des fois même, j'ai prié derrière quelqu'un, et c'est un imam dans une mosquée, subhanallah. Je sais que quand c'est lui qui est l'imam, il faut que je récite rapidement, parce que sinon j'aurai jamais le temps, même des fois, j'arrive à Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, et lui il est déjà en recours. Mais je ne sais pas comment il fait, mais je ne sais pas franchement comment il fait pour réciter si rapidement. Wallahi, je ne sais pas si c'est possible même. Je sais qu'il y en a des gens qui ont le don de la parole, ils savent parler vite. Mais est-ce qu'on peut parler vite à ce point-là, ou réciter vite à ce point-là? Et même quand tu récites si vite, est-ce que tu prends le temps même de réfléchir à ce que tu es en train de réciter? Alors que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dedans de réfléchir sur son sens, de méditer sur sa signification. C'est pas juste de répéter. Et ça, surtout aussi, je dis ça par rapport à des frères et des sœurs qui sont pas arabophones de base, qui récitent, mais qui réfléchissent pas à la signification de ce qu'ils sont en train de réciter. Ça, c'est pas correct. Il faut au moins, même si tu apprends, tu mémorises les versets en arabe, mais au moins tu lis la traduction pour comprendre au moins qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que tu es en train de lire. Comme ça, quand tu récites, au moins t'as une idée du sens de qu'est-ce que tu es en train de prononcer. C'est pas juste réciter comme ça. Après, le cheikh, il dit donc qu'il lui a ordonné donc de commencer par la purification, et il a ordonné à ses sahaba qui étaient là présents même d'amener un contenant avec de l'eau dedans pour leur montrer comment faire. Le pluriel c'est toussout, et c'est un contenant fait en cuivre, et les gens l'utilisent pour se laver les mains dedans. Donc il a ordonné qu'on amène un contenant comme ça, et il leur a fait le wudu devant eux, puis il leur a montré à tous comment le faire. Après, il dit, لِيَحْمِلُوا عَنْهُ فِقْهَ طَهَرَتِهِمْ فَيَعْمَلُوا بِهِ وَيُبَلِّغُوهُ غَيْرَهُمْ وَفَعَلَهُ هَذَا وَفِعْلُهُ هَذَا يُعْتَبَرُ بَيَانًا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ. Donc, le cheikh, il dit donc que il a fait ça pour eux, devant eux, pour que les sahaba puissent apprendre leur wudu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour qu'ils l'enseignent aux autres de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et ça, c'est en fait, c'est considéré, cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de faire le wudu comme ça devant eux, c'est considéré comme un tafsir, une explication du verset de sourate al-Ma'idah. Donc le tafsir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait le tafsir même par ses gestes, par son application même du verset dans la pratique de son wudu, de sa salat et ainsi de suite. Donc ça, c'était le fiqh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'il montrait à ses sahaba. Et les sahaba ont pris cet exemple-là et ils l'ont transmis à ceux qui sont venus par la suite, comme l'exemple du hadith de Uthman. Le hadith de Uthman, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il montre comment faire le wudu, hein, à ceux qui sont là avec lui. Et il y a d'autres hadiths comme ça, où il y a des tabi'ins qui viennent et qui demandent aux sahaba de leur enseigner comment faire le wudu. Et ils font la même chose. Ils disent, amène-moi un contenant. Ils amènent un contenant et ils font le wudu comme ça devant les gens, pour que les gens sachent exactement comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait son wudu. Après, le cheikh, il dit, وأخبر الله عز وجل أنه متى فقد الماء أو فقدت القدرة على استعماله فعلينا أن نتيمم صعيدا طيبا فنمسح وجوهنا وأيدينا. وأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار حيث قال له إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا وضرب بهما ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين ومسح الوجه ومسح وجهه وهذا بيان لكيفية التيمم سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. Donc le cheikh, il explique que pour le tayammum, c'était la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si on a le verset dans le Coran qui nous mentionne le tayammum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'y avait pas d'eau, ou lorsqu'il y avait de l'eau mais on n'avait pas la capacité de l'utiliser, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire, comment faire le tayammum avec la terre, hein, ou bien avec la poussière, ou tout ce qui est sur la surface des choses, yani. Donc de passer nos mains, hein, après avoir frappé le sol, de passer nos mains sur nos visages et nos mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué verbalement et il l'a fait aussi dans la pratique, comme c'est rapporté dans le hadith de Ammar, qu'il a dit à Ammar, parce que Ammar ibn Yasir était parti avec Omar ibn al-Khattab pour un voyage ou quelque chose, et puis ils n'avaient pas d'eau, et puis ils s'étaient réveillés en état d'impureté majeure. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est roulé dans le sable. Il s'est roulé comme ça dans le sable. Ah, parce qu'ils ne savaient pas comment faire le tayammum. Alors quand ils sont arrivés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il t'aurait suffi seulement de frapper tes mains sur le sol comme ça, et de passer ta main droite sur ta main gauche, c'est ça qui est écrit, hein, tu passes ta main gauche sur ta main droite, et qu'est-ce que tu fais? Tu passes ensuite tes mains sur ton visage comme ça. Et ça, c'est la main droite. Moi, ce que j'ai appris, c'est tu fais comme ça, puis après tu passes sur ton visage. La main droite sur la main gauche sur la main droite, et après tu passes sur ton visage, et ça y est. Hein? Bismillah, tu frappes le sol, la main gauche sur la main droite, et tu frottes ton visage, et ça y est, tu as fait ton tayammum. Non, pas les bras. Le tayammum, c'est juste les mains et le visage. C'est tout. Il n'y a pas les bras, les jambes et tout. Comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit, donc c'est ça, il a frappé ses mains une fois par terre. Pas besoin de frapper plusieurs fois. Juste tu frappes comme ça et tu fais ton visage. Hey, non. Aussi simple que ça. Donc ça c'est le tayammum. Et puis donc tu le fais, que ce soit pour une impureté majeure ou mineure. Dans les deux cas, tu peux faire le tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau ou lorsque tu ne peux pas l'utiliser. Et le cheikh il dit وامتدادا الى احسان الى الاحسان في الصلاه والاحسان في في الصلاه والاحسان في الصلاه اقامتها واقامتها تشمل نواحي نواحي متعدده تتعلق بالصلاه من مراعاه دخول الوقت ومراعاه اتمام الطهاره ومراعاه حفظ اقوالها وافعالها واذكارها التي قسمها العلماء بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنه الى شروط واركان وواجبات وسنن قوليه وسنن فعليه ومحل التوسع في إقامة الصلاة كتب شروح الحديث وكتب الفقه فقد أجاد العلماء وأفادوا رحمهم الله في بيان ذلك بما لا مزيد عليه وما على طالب العلم إلا أن يمشي على الأثر ليحقق سنة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, et également on peut prolonger avec al-ihsan dans la salat. Et al-ihsan dans la salat c'est quoi? C'est de l'établir. Et de l'établir ça comprend yani plusieurs aspects et plusieurs différents aspects de la salat, comme par exemple de vérifier l'entrée du temps, de vérifier que tu as complété ta purification, de vérifier et de faire attention à préserver les paroles et les actions et les adhkars que tu récites dans la prière, comme les ulama les ont divisés en recherchant dans les textes du Coran et de la Sunna, ils ont divisé ces actions et ces paroles et ces paroles et ces actions et ces adhkars en conditions, en piliers, en obligations et en sunan, des choses recommandées soit dans les paroles ou dans les actions. Et si tu veux encore plus approfondir ta connaissance par rapport à la salat, il y a les livres d'explication des hadiths, les livres de fiqh, hein, et les ulama ont alhamdoulillah fait beaucoup de yani d'efforts et ont bien travaillé pour justement yani faire en sorte que la clarification soit bien expliquée, que la salat soit bien clarifiée. Et celui qui veut plus de détails, donc le talib ilm, celui qui cherche la science et qui veut avoir plus de détails, eh bien il n'a qu'à suivre cet exemple et cette voie pour réaliser la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître des hommes, hein, parmi les exemples qu'il a laissés dans la sunna. Si tu veux savoir comment il priait, tu peux le trouver facilement dans les livres. Et le cheikh il dit « وَهَكَدَ الْإِحْسَانِ » وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام أركان الإيمان وأركان الإيمان وسائر العبادات من فرائض ونوافل وواجبات كل ذلك يجب أن يكون على سبيل الإحسان لأنه شرط أساسي من شروطها وبدون الإحسان فالعبادة لا تنال التقوى وبدون الإحسان في العبادة لا تنال التقوى وبدون تقوى الله لا يقبل العمل والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله قوله أو قول الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que tu dois avoir aussi tu dois faire preuve d'ihsan dans tous les piliers de l'islam et dans les piliers de la foi et dans toutes les autres adorations que tu fais, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Et dans tout ce que tu fais, tu dois le faire selon la voie de l'ihsan, parce que c'est une condition parmi les conditions de l'application de ces adorations-là. Et si tu les fais, ces adorations-là, sans ihsan, dans ton adoration, tu ne vas pas atteindre la piété. Et si tu n'as pas de piété, Allah ne va pas accepter tes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le cheikh il n'a pas mentionné ce verset-là, il a mentionné un autre verset, mais le verset la chose qu'il mentionne me rappelle le verset innama yataqabbalallahu min al-muttaqin, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que de ceux qui ont la piété. Et le cheikh lui il mentionne un autre dalil, il dit wa dalil, la preuve par rapport que l'ihsan est une condition dans toutes nos adorations qu'on fait et qu'on doit le faire dans le but de chercher l'agrément d'Allah, c'est dans le verset 22 dans sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque a soumis son visage à Allah alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire qu'il fait preuve de ihsan, hein, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide et c'est vers Allah que yani on retrouve la meilleure conclusion. Donc le cheikh explique le verset. Il dit قال وهو محسن فاعتبر الإحسان شرطا أساسيا في إقامة الدين. وإسلام الوجه لله الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علما وعملا ودعوة وخلقا وأدبا وسلوكا على مراد الله وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفنا الصالحين الذين تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام الأمين وجبريل الأمين تلقاه عن رب العالمين فهذا السند العظيم الذي أوصل العلماء الربانيين وأتباعهم إلى الحق الواضح المبين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه ودعاهم إليه وأثابهم عليه فتبارك الله أحسن الخالقين. Donc le cheikh il dit, donc quand Allah il dit dans le verset alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire il doit faire son acte et que ça c'est considéré comme il doit faire son action avec ihsan, avec excellence dans son adoration, avec perfectionnement, avec attention, avec bienfaisance, et ça c'est une condition fondamentale dans l'établissement de sa religion. Et le fait de soumettre son visage à Allah, c'est-à-dire de s'orienter entièrement vers le chemin de la vérité, avec science, avec action, en faisant la da'wah et en ayant un bon comportement, des bonnes manières et une bonne conduite, hein, selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous et selon la voie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et selon la voie de nos pieux prédécesseurs qui ont pris cette religion là et cette science directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah lui-même l'a pris de Jibril alayhi salam al-Amin, et Jibril al-Amin lui-même l'a pris du Seigneur des mondes, et cette chaîne de transmission, hein, qui est une chaîne, hein, une grande chaîne de transmission importante, hein, par laquelle les ulama ont transmis la religion jusqu'à nous, hein. Et ceux qui les ont suivis par la suite, hein, ils ont également transmis cette religion-là, hein. Donc ça c'est la vérité claire et absolue que Allah a agréée pour eux, et Allah subhanahu wa ta'ala a incité donc les croyants à rester sur cette voie-là et à appeler les autres à la suivre et à être ferme sur cette voie-là. Donc Allah soit béni, le meilleur des créateurs. Il dit le cheikh wa hakada yajibu al-ihsan fi manhaj al-jihad wa manhaj ad-da'wati ila Allah wa ad-da'wah wa ad-da'watu darb min durub al-jihad wa qad takunu ad-da'watu bi ta'lim al-khalq انتشالهم من الشرك إلى التوحيد على الوجه الصحيح ومن ظل المعصية إلى عز الطاعة ومن حمة الشر إلى فعل الخير فإن ذلك كله يكون من أعظم أنواع الجهاد لأن فيه إرضاء للرب وإحياء للقلوب وتبصرة للأمة ليعبدوا الله عز وجل على الوجه الذي أراده منهم وارتضاه لهم. Donc le cheikh il dit de même que tu dois faire preuve de ihsan dans la méthodologie du djihad, c'est-à-dire de la lutte dans le sentier d'Allah, hein, et dans la méthodologie de l'invitation à Allah. Et le da'wah, le fait d'appeler et d'inviter les hommes à l'islam, eh bien c'est une des branches parmi les branches du djihad, et une des voies parmi les voies du djihad, hein. Et ça c'est, yani, ça se fait par la voie de l'enseignement, dans le fait d'enseigner les créatures, ça fait partie de la da'wah. Et dans le fait de les appeler du shirk vers le tawhid, et de la bonne façon, et de les appeler de la désobéissance à l'obéissance, hein, et de les appeler à, yani, au mal vers le fait de faire le bien. Donc tout ça c'est des exemples parmi les catégories du djihad. Ok, il y en a qui pensent que le djihad c'est juste le djihad armé de combattre contre les mushrikines et les kuffars. Non, c'est pas juste ça le djihad. Il y a différentes branches du djihad, hein? Il y a différentes catégories du djihad. Et bien entendu, prendre une arme et tirer avec, n'importe quelle personne peut faire ça, hein? Mais de chercher la science de l'islam et la compréhension de l'islam pour être capable de l'enseigner aux autres et d'appeler les gens à la vérité, ça demande beaucoup plus de patience, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes, hein, délaissent ce djihad et s'en vont vers des catégories ou des formes de djihad beaucoup plus faciles, c'est-à-dire justement juste de se limiter à penser que le djihad se limite à un djihad avec les armes, hein. Et le cheikh il dit, parce que le djihad avec les armes fait partie de l'islam lorsqu'il est légiféré, c'est-à-dire lorsqu'il est fait avec un dirigeant et lorsqu'il est fait dans les conditions de la charia, selon les conditions de l'islam, pas par des individus parmi les khawarij qui font de la destruction et du désordre et qui font couler le sang des innocents sans raison et sans aucune légitimité parce qu'ils ne suivent pas un dirigeant, ils ne sont pas derrière une bannière ou parce qu'ils n'ont pas la capacité militaire suffisante. Donc ça fait pas partie dans ce cas-là du djihad qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais yani, c'est souvent par des jeunes qui sont fanatiques ou excités, ils veulent absolument faire dire qu'ils ont fait quelque chose, même si qu'est-ce qu'ils font, ça ramène rien à la fin. Donc ça c'est des exemples. Ensuite le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَإِنَّ ذَلِكَ كُلِّهِ يَكُونُ مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَعِ الْجِهَادِ. Donc faire la da'wah et d'enseigner aux hommes, hein, d'éduquer les gens, ça c'est la plus grande forme de djihad. Parce que dans le fait de faire ça, il y a un agrément pour le Seigneur, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le fait de faire revivre les cœurs et de faire voir, hein, la Ummah, et de leur donner une bonne compréhension de leur religion pour qu'ils puissent adorer Allah, leur créateur, de la manière que Allah a voulu de leur part et de la manière que Allah a agréé. Donc ça c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose d'important, hein? C'est-à-dire que les gens qui font la da'wah et qui enseignent, eh bien ils sont les éducateurs, hein, les éducateurs de la Ummah. Le cheikh il dit wala yakunu ihsanun fi ad-da'wati ila Allah illa idha salaka ad-du'atu ila Allah maslaka ar-rusul wal anbiya fi da'watihim wa bil akhas bilnisbati li ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ja'a fi kitabihim li yursima lahum khatt ad-da'wa ومنهجها الأصيل المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء والمأخوذ أيضا من قصص رجال أذقياء أولياء تابعوا الرسل فدعوتهم في دعوتهم وصبروا كما قص الله عن مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون كيف صبر الجميع وآثر مراضي الله عز وجل على ما نزل بهم من تعذيب الجبابرة لهم وذلك وغير ذلك من الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان رحمهم الله وتولاهم وجعل الجنة منزلهم ومأواهم. Donc le cheikh il dit de même que il ne peut y avoir d'ihsan dans la da'wah à Allah, dans le fait d'inviter les hommes à Allah, excepté si on a emprunté dans la da'wah qu'on a faite, si les gens qui appellent à Allah ont emprunté la voie qui a été tracée par les messagers et les prophètes dans leur da'wah. Hein? Il ne peut pas y avoir d'ihsan sauf dans notre da'wah. Il ne peut pas y avoir d'ihsan envers Allah excepté si on suit la voie qui a été tracée par les prophètes et les messagers qui ont invité les hommes à Allah. Si tu essaies d'inviter les hommes à l'islam par une voie autre que celle de ces messagers, il n'y a pas d'ihsan là-dedans, il n'y a pas de bonne voie. Tu ne les appelles pas réellement correctement à Allah. Pour appeler les hommes à Allah, tu dois le faire à la manière des messagers et des prophètes. Et le cheikh, il dit, en particulier pour la ummah du prophète Muhammad, hein, on doit appeler les hommes selon qu'est-ce qui est dans le livre de leur Seigneur, tel que Allah l'a tracé pour nous. Il nous a tracé une ligne de da'wah. Et c'est ça notre méthodologie fondamentale. Et ça, c'est tiré de l'exemple des prophètes et des messagers. Et c'est ça qu'on doit prendre comme exemple dans notre da'wah. Hein? On doit le prendre de cet exemple-là. On ne va pas se baser sur les exemples de Che Guevara ou de Karl Marx ou de quel autre kafir. Qu'est-ce qu'il a inventé ou imaginé dans ses révolutions? La révolution française, la révolution américaine ou je ne sais pas quelle autre révolution, puis dire on veut établir des révolutions dans les pays musulmans, hein, parce que beaucoup de gens malheureusement c'est ça qu'ils ont comme idée par rapport à l'islam. Même j'ai rencontré parfois il y a des koufars, tu les rencontres et à cause de qu'est-ce qu'ils ont vu dans les médias, qu'est-ce qu'ils ont entendu dans les médias à propos des musulmans et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans les pays non, dans les pays musulmans et dans les pays arabes et non arabes, alors les koufars commencent à avoir l'idée dans leur esprit que qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire dans les pays musulmans, que c'est ça que l'islam enseigne et que ces révolutions-là tous les musulmans sont contents de ça. Alors quand tu rencontres ces koufars-là qui te disent comme si en voulant dire moi je supporte, hein, eux ces koufars disent nous on supporte qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes et on est d'accord avec ces révolutions là et là toi tu leur expliques, tu dis non c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe dans ces pays musulmans là actuellement, c'est pas ça l'islam, et l'islam condamne qu'est-ce que ces gens là sont en train de faire. Alors là ils sont complètement choqués et surpris. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ces gens-là font dans les pays musulmans? C'est pas en accord avec l'islam? Non, c'est pas d'accord avec l'islam. Alors il dit, ah d'accord, dans ce cas-là, ça veut dire vous êtes d'accord avec les gouvernements là-bas. Qu'est-ce que les gouvernements ils sont en train de faire au peuple et à la population? Tu dis à ces gens-là, tu dis non, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec quelque chose si c'est pas correct. Si c'est de l'injustice ou du mal, on est contre l'injustice et le mal. Sauf que, dans notre religion, on a eu des enseignements dans le Coran et dans la parole de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous enseigner comment faire pour faire la réforme, comment faire pour corriger le mal, comment faire pour corriger l'injustice, selon les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si tu dis, ah, on n'est pas d'accord avec... Qu'est-ce que s'il y a de l'injustice de la part de certains gouvernements, de certains dirigeants ou quoi, que ça veut dire que depuis qu'on est contre une injustice, ça veut dire que tous les moyens pour enlever cette injustice-là sont bons. Donc on va utiliser n'importe quelle méthode, la révolution, les coups d'État, les élections, les bombes, le terrorisme. Alors ça veut dire qu'on n'a pas respecté les enseignements de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Mais tu sais pourquoi ils ne se rebellent pas? Non, vous savez pourquoi dans les pays de Kouf maintenant, comme aux États-Unis et puis en Europe, il n'y a pas de révolution contre le gouvernement? C'est parce qu'ils les ont déjà faites, ces révolutions-là, dans le passé. Hein? La révolution française, la révolution américaine, la révolution anglaise, ils ont déjà établi leur démocratie et leur système de démocratie. Et la démocratie, c'est un système basé sur la révolution. Tout ça, c'était basé sur la révolution. Donc, eux, pourquoi ils vont jamais accepter que des gens viennent faire la révolution dans leur pays? C'est parce qu'ils vont, ils ont, c'est comme pour dire, nous, on a déjà fait ça. Donc, vous, vous pouvez pas venir nous le faire. Parce que nous, on l'a déjà fait. Parce que pour eux, ils disent, nous, on est déjà parfait, là, ça y est. On a déjà établi la démocratie, vous pouvez pas venir l'établir encore une nouvelle fois. Alors que pour de vrai, hein, la réalité, c'est que c'est la démocratie, c'est bien un des pires systèmes qui existent au monde. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour expliquer qu'il y en a certains parmi les groupes islamistes qui prétendent vouloir appeler à l'islam, qui prétendent vouloir appeler à Allah, mais qui suivent l'exemple des koufars au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu les vois critiquer, par exemple, ils critiquent Israël, ils critiquent les juifs, ils critiquent les zionistes, et ils suivent pourtant le même système que ceux-là, et les mêmes idées qu'eux, et même des idées pires encore. Donc c'est pour ça, celui qui est aveugle et qui va dans l'égarement, tu t'étonnes pas de le voir aller dans l'égarement, parce que tu dis, il est aveugle. Il n'y a personne qui lui montre le droit chemin. Donc il va vers l'égarement et t'es pas étonné. Mais celui qui voit, il a de la lumière, quand il choisit volontairement de fermer ses yeux et d'aller dans l'égarement, tu dis, mais là, ouvre tes yeux, regarde. T'as la lumière, t'as la vérité, t'as la guidance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu fermes tes yeux? Pourquoi tu les ouvres pas pour regarder? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a parlé, il le dit dans le Coran clairement, qu'est-ce que tu dois faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te le dit clairement, qu'est-ce que tu dois faire. Pourquoi tu fermes ça, tu l'éloignes, tu te tournes de ça, puis tu suis ta passion, tu suis tes désirs. Donc ça, c'est pas correct. Hein? Donc, on voit, le cheikh, il dit, on voit que si tu veux faire la da'wah, tu dois suivre l'exemple des messagers, suivre l'exemple des prophètes. Quand il y avait eu les manifestations et les soulèvements, je me rappelle, il y a un imam à Montréal, quelqu'un m'avait envoyé une khutbah qu'il avait faite. Je ne le connais pas, cet imam-là, parce que c'est quelqu'un que j'avais jamais entendu parler de lui auparavant, mais il fait des khutbahs en anglais. Je pense qu'il est à Verdun ou quelque chose comme ça. En tout cas, quand il a fait sa khutbah, il commençait à essayer d'expliquer que les prophètes, ils nous ont enseigné à faire ça, les manifestations et les révolutions. Il donnait l'exemple de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Et il comparait les dirigeants actuels avec Pharaon. Et il comparait les gens qui faisaient la révolution et les manifestations au prophète Moussa alayhi salam. J'ai dit, est-ce que Moussa a fait la révolution contre Pharaon? Est-ce que Moussa alayhi salam, il est allé faire la révolution contre Pharaon? Jamais! Est-ce que Moussa est allé voir Pharaon pour dire à Pharaon, donne-moi le pouvoir, ou quitte le pouvoir, ou bien on va faire des élections? Non. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit Moussa à Pharaon? Il lui a dit, est-ce que tu veux venir adorer ton créateur, hein, pour que je te guide vers le droit chemin? Il est venu, il a dit, si tu veux pas, laisse-moi partir, moi et mon peuple. Il lui a pas demandé de prendre le pouvoir, il lui a demandé de le laisser partir. Mais il voulait même pas le laisser partir, lui et son peuple. Mais oui, il a déformé l'histoire, mais ces gens-là, c'est toujours comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon a suivi Moussa, hein, et son armée. Même jusque quand Allah lui a montré des signes, il a fendu la mer, il a traversé la mer avec son peuple. Et Pharaon était entêté, malgré qu'il voit ça, un miracle devant ses yeux, il continue quand même à les suivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la mer sur eux. Ils ont tous été noyés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple de Pharaon a été perdu. Anéanti comme ça. Pharaon et son armée se sont tous noyés. Donc c'est pour dire, c'est qui a donné la victoire à Moussa alayhi salam? Est-ce que c'est la force de Moussa alayhi salam? Est-ce que c'est son armée de Moussa alayhi salam qui a fait ça? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est vengé de Moussa, hein, et qui a châtié Pharaon. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont été patients. Hein, le peuple de Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam a été endurant et patient, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a débarrassés de leurs ennemis. Mais si les peuples aujourd'hui, ils ne suivent pas l'exemple des prophètes, ils suivent l'exemple des kuffar, des révolutionnaires, eh bien, là, là, ils font juste remplacer un problème pour mettre un autre à sa place. Et ça finit jamais. Et c'est ça qui se passe maintenant. C'est un bon point, ça. Comme le frère, il dit, si c'était pour la dunya que Moussa voulait le pouvoir de l'Égypte et la force en Égypte, quand Allah a noyé l'armée de Pharaon, pourquoi il est continué son chemin dans le désert pour aller jusqu'à la terre que Allah leur avait promise, hein? Pourquoi ils ne sont pas retournés en Égypte, hein, pour prendre l'Égypte, parce que là maintenant il n'y avait plus d'armée. Il aurait pu prendre l'Égypte. Non, il n'a pas fait ça. Parce que ce n'était pas ça son objectif. Ce n'était pas ça son but. Et la même chose avec tous les autres prophètes d'Allah, tu regardes. Aucun d'entre eux, ils ont appelé à faire des révolutions ou des manifestations. Jamais. Et encore moins le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortir à Mecca, aller parler aux gens pour dire « Aidez-moi, je vais renverser Quraysh. Et puis je vais enlever... du pouvoir, les gens de Quraysh pour prendre le pouvoir. » Non, c'était pas ça. Même lui-même, il a quitté la Mecque, il est parti à Al-Médine, hein, avec les croyants. Non. Le but, c'est l'adoration d'Allah, c'est le tawhid. C'est ça la da'wah des prophètes. Hein, c'est pas d'autre chose. Si tu as le pouvoir, si tu n'as pas le pouvoir, mais que tu es capable d'appeler les gens au tawhid et de les avertir contre le shirk, tu as rempli ton devoir. Tandis que si tu as le pouvoir, mais qu'il y a du shirk et du kouf, et que toi tu fais rien pour l'enlever, alors à quoi ça sert le pouvoir dans ce cas-là? Mais étant donné que ces imams-là, la plupart c'est des gens qui suivent les courants des idées des frères musulmans, puis des autres, ces groupes d'égarements-là, les Ikhwan Muslimin, alors ils ont cette mentalité-là parce qu'ils ont... Ils ont une passion dans le cœur. Ils suivent leurs désirs et leurs passions. Ils ont une maladie dans le cœur. C'est la maladie du pouvoir, la maladie de l'argent, la maladie de la dunya. Et ils veulent essayer de couvrir ça avec une couverture de religion et de mélanger les gens après par la suite. Donc ils vont déformer même la parole d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Donc le cheikh, il dit, regardez. Hein? Cheikh, il dit, regardez les prophètes, les messagers, regardez les hommes pieux, regardez les rapprochés d'Allah, hein? Suivez l'exemple des messagers dans leur da'wah, comment ils ont été endurants, comment ils ont supporté des difficultés et des endurants, hein? Ils ont fait preuve d'endurance face à l'adversité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les exemples des croyants des gens de Yassine, hein? Surat Yassine. Les croyants de la famille de Pharaon, comment ils ont subi des difficultés aussi parmi les gens de Pharaon. Il y en a qui ont cru, même la femme de Pharaon, elle a cru à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que la femme de Pharaon, elle a cru, hein, alors qu'elle était sous cet homme injuste, hein, qui rejetait Allah et même qui prétendait que c'était lui, hein, le Seigneur des mondes. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'Allah l'a châtié comme ça. Donc, comment ils ont tous fait preuve d'endurance et ils ont préféré l'agrément d'Allah, hein, et ils ont préféré l'agrément d'Allah au châtiment que ces tyrans leur ont fait subir. Ils ont été patients. Hein. Sauf que ça, c'est l'attitude des gens pieux et des réformateurs à toute époque et partout sur la terre, hein, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour alliés et qu'il a aimé, et c'est pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait le paradis, et c'est là qu'ils vont, hein, c'est là que Allah va les mettre, c'est-à-dire ils vont être au paradis et c'est là qu'ils vont trouver leur repos et leur conclusion, hein, leur repos final. Le cheikh il dit ensuite, إذن فالدعي إلى الله بحاجة إلى ترسم خط الأنبياء والرسل الذين بدأوا بالدعوة إلى عقيدة التوحيد والتزام التكاليف الشرعية أمرا ونهيا وإلى الدعوة للخلق بالحكمة والموعظة الحسنة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Donc le cheikh il dit, donc la personne qui invite à Allah, il doit suivre l'exemple qui a été laissé est tracé par les prophètes et les messagers qui ont commencé leur da'wa par la da'wa à la aqida du tawhid. Ils commencent par appeler les hommes au tawhid et à corriger la aqida des hommes en premier. Hein? Et ensuite, à s'accrocher aux règles de la sharia dans les ordres et dans les interdictions. C'est-à-dire, dans les ordres, tu les appliques et dans les interdictions, tu t'en écartes. Et d'appeler la création, c'est-à-dire d'appeler les hommes avec sagesse et avec une bonne exhortation. Pas avec des fusils. Hein? Et tu mets un fusil sur la tête de quelqu'un, tu dis, si tu pries ou si tu adores Allah ou sinon je te tue. Est-ce que les messagers ont fait ça? Non. Hein? Allah al-musta'an. Après le shaykh, il dit, comme dans surat al-An'am, le verset 90, « Oula'ka alladhina hadallah fabihudahum uqtadih » C'est-à-dire, ceux-là sont ceux que Allah a guidés. Alors, yani, suis l'exemple de leur guidance. Suis l'exemple de leur guidance. Voilà ceux que Allah a guidés. Alors, sois guidé par leur exemple de guidance. Hein? Donc, c'est comme ça. Et l'opposition à la da'wah, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. C'est comme un cheikh qui expliquait il n'y a pas longtemps. Hein, il disait, ne vous posez pas la question, mais pourquoi il y a toujours des problèmes, pourquoi il y a toujours des divergences, pourquoi il y a toujours des conflits, pourquoi il y a toujours des épreuves entre les croyants et les non-croyants, entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, entre les gens des péchés et les gens de l'obéissance. Ça c'est normal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous mettre à l'épreuve dans cette vie. Et il y aura toujours cette guerre et ce combat entre les gens de la vérité et les gens du faux, entre la vérité et le faux, entre la droiture et l'égarement, entre la bid'a et la sunna, entre le shirk et le tawhid, et entre le kufr et l'iman. Donc il y aura toujours cette opposition et ce conflit-là, et toi, ton devoir à toi, c'est de t'accrocher à la vérité et de défendre la vérité le plus que tu peux, justement pour faire en sorte que tu sois du bon côté au jour de la résurrection. Le cheikh il dit, ومن أنعم النظر في دعوة الرسل والأنبياء والتابعين لهم وجدها تختلف كل الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار خاطئة وسياسات مدمرة قد تخرب ولا تبني وتفسد ولا تصلح. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit, celui qui observe, qui réfléchit et qui observe la da'wa des messagers et des prophètes et des tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, il va constater qu'il y a une grande différence, une grande divergence entre les da'wat qui sont nés et qui ont été établis et fondés basés sur des idées fausses et des politiques destructrices, hein, qui détruisent et qui corrompent et qui ne font pas de réforme, et la da'wah des prophètes et des messagers. Regardez la da'wah des Ikhwan al-Muslimin, fondée par Hassan al-Banna en 1928 en Égypte. Et regardez comment elle a détruit et comment elle a corrompu les gens et comment elle a égaré les gens. Hein? Beaucoup de gens qui sont morts et beaucoup d'autres choses aussi. Et comparer ça avec l'exemple des messagers d'Allah et leur da'wah. Est-ce que les prophètes, quand ils sont venus, ils ont dit, on va fonder un parti politique pour appeler les gens à l'élection, pour que les gens votent pour nous, puis qu'après ça, on va prendre le pouvoir, on va rentrer dans le parlement, s'asseoir avec les mouchriquines et les koufars pour faire des votes, pour voir si on va changer les lois, pour voir que si on va avoir la majorité, après ça, on va pouvoir faire un État islamique. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Mais quand on regarde l'exemple des messagers et des prophètes, et qu'on compare avec la voix des Ikhwan, comment eux ils appellent les gens à utiliser les méthodes des koufars, ou bien soit les koufars démocrates, ou soit les autres koufars révolutionnaires, les deux. Ils utilisent les deux, ils utilisent toutes les méthodes, déjà. Et dans toutes ces méthodes, ils ont échoué. Ils ont essayé par la méthode pacifiste, avec les élections, et ils ont échoué. Ils ont essayé avec les méthodes dures et violentes, et avec les attentats et les coups d'État, et les renversements, et les manifestations, ils ont échoué. Avec la méthode armée, ils ont échoué partout. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est déjà avec la tête dure. Et ils sont bornés et acharnés à penser que la façon dont ils agissent est correcte. Alors que pourtant, si tu réfléchis juste, tu prends le Coran et tu le lis, et tu lis les sourates, sourate al-Anbiya, sourate, hein, tu lis les versets qui parlent des exemples des prophètes, sourate al-A'raf, et plein d'autres sourates où il y a l'exemple des messagers, des prophètes et de leur peuple. Tu ne trouves pas qu'est-ce que ces gens-là ont fait aujourd'hui là. Tu ne trouves pas ça dans l'exemple des prophètes et des messagers d'Allah. Hein? Mais bon. Le cheikh, il dit ensuite, il dit quoi? Ala wa inna min bunudiha al-mudaharat fi kulli al-buldan li'iz'aj an-nas wa rubbama takunu mudaharat tajma' an-nisa' rijalan wa nisa'an. والاغتيالات والتنظيمات السرية في الأماكن التي لا يجوز أن تكون فيها تنظيمات سرية وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدعوة وأساءت بهذا التصرف إلى من يحب أن يدعو إلى الله لأنهم انتقلوا بالدعوة من خطها المستقيم إلى خطوط غير مستقيمة شرعا وعقلا. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Exactement qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Il dit, parmi les exemples de ce que ces gens-là ont ramené avec leur déviation et leurs innovations, c'est les manifestations dans tous les pays pour déranger les gens. Hein? Et peut-être même, le cheikh, il dit, peut-être même dans ces manifestations-là, tu vois qu'il y a les femmes mélangées avec les hommes. Dans la plupart de ces manifestations, il y a la, comme tu dis, manifestation, musique, danse, même, il y a tout ce que tu veux. Même, il n'y a pas longtemps, il y a des soi-disant islamistes ou des gens qui prétendent vouloir défendre l'islam, qui ont organisé des manifestations à Montréal, soi-disant contre la charte de ceux qui veulent interdire les signes religieux. Ils font des manifestations dans laquelle ils réunissent quoi? Ils réunissent les juifs. Les chrétiens et les hindous et les bouddhistes et les sikhs et toutes les différentes catégories de kuffar et de mushrikin, ils se mélangent avec eux, ils s'associent avec eux et après ils prétendent qu'ils défendent l'islam. Ça c'est de l'égarement. Et en plus, hein? Non mais wallahi, c'est pas normal. Et après ils mélangent les hommes et les femmes ensemble. Exactement. Wallahi, tu vois une musulmane avec un drapeau du Québec dans sa main. Et le drapeau du Québec, je ne sais pas si vous avez pris le temps de l'observer, mais c'est une grosse croix blanche sur un fond bleu. Avec 4 fleurs de lys à l'intérieur, qui sont des croix aussi. Donc tout ça, c'est des signes de shirk et de kufr. Hein? Mais on n'a pas le droit, nous, en tant que musulmans, de se promener avec ça. C'est cette croix-là qu'ils ont mis sur ce drapeau, puis qu'ils mettent ailleurs aussi dans les églises et ailleurs, c'est rien d'autre qu'une idole que ces gens-là adorent en dehors d'Allah. Parce qu'ils croient que cette croix, c'est la chose sur laquelle leur Dieu, celui qu'ils pensent être leur Dieu, est mort, hein, et ils adorent cet objet en dehors d'Allah, et ils l'ont pris comme une divinité, comme un porte-bonheur. Ils la portent dans leur cou, ils la mettent dans leur maison, ils la mettent dans la voiture, ils le mettent dans les écoles, ils le mettent même dans le parlement, et ils pensent que ça c'est leur Dieu, hein, et ils l'adorent, ils se mettent à genoux devant, ils prient devant, hein. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Jésus lui-même n'a jamais fait ça. Il n'a jamais appelé à ça. Il n'a jamais approuvé de ça. Et on sait que le premier commandement interdit de faire des images, des idoles, et des sculptures, et des représentations, ou de se mettre à genoux devant ce genre d'objet. Mais, bon, bien entendu, on sait. que les chrétiens sont des idolâtres, hein, et que c'est ça leur religion, l'idolâtrie, c'est leur religion, c'est le shirk et le kufr. Donc, de se mettre avec des gens comme ça, puis de dire on veut défendre le droit de toutes les religions à pratiquer leur religion ou à montrer leurs signes religieux, déjà leurs signes religieux, c'est du shirk et du kufr. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qui est important pour nous, c'est que la vérité soit apparente et que la pratique de l'islam soit mise de l'avant et qu'on nous donne la liberté de pratiquer la vérité. Mais en ce qui concerne les religions de mensonge et de fausseté, on n'a aucun intérêt pour ça et on n'a aucune chose à faire pour eux, hein, puisque eux sont dans l'égarement, ils appellent les gens à l'enfer. Est-ce qu'on va les aider à appeler les gens à l'enfer? Et quand même, il faut utiliser ça c'est autre chose. On en reparlera une autre fois, Inch'Allah. Mais le cheikh, il explique, il dit que ces gens-là, ils font des manifestations, et même ils font des attentats, et ils font des associations secrètes aussi, des organisations secrètes, dans différents pays, hein. Et ils font ces choses-là dans des endroits où ils n'ont pas le droit de les faire. Hein? Si tu fais des associations ou des organisations secrètes dans des endroits où il y a un État, où il y a un dirigeant, où il y a un dirigeant musulman et des pays musulmans, et tu veux organiser ce genre de choses, ça c'est pas permis. Et le cheikh il dit, et il y a beaucoup d'autres choses également que ces gens-là font, qui font du tort à la da'wah. Parce que par la suite, les conséquences de ces actes et de ces gestes que ces gens-là font, ça retombe toujours contre l'islam par la suite. Ça retombe contre les gens qui appellent à l'islam par la suite. Parce que, à cause d'eux, les gens qui sont contre l'islam vont en profiter pour mettre une barrière à tout. Ah, ces gens-là, ils sont comme ça, donc on va arrêter toutes les activités qui sont faites au nom de l'islam. Que ce soit bon ou mauvais, que ce soit vrai ou faux, que ce soit en accord avec le Coran et la Sunna ou non, personne ne fait de da'wah, personne ne parle de l'islam, personne ne fait de da'wah, personne n'ordonne le bien, personne n'interdit le mal. C'est fini. Ils bloquent tout, ils ferment tout. Donc qui est-ce qui paye? C'est les gens qui appellent à l'islam, au vrai islam, et les gens qui également veulent pratiquer l'islam par la suite. Ils ne peuvent plus le faire. À cause de ces gens qui font du trouble et qui font du désordre, on paye donc les conséquences de ce que ces gens-là font. C'est comme quand il y a eu les problèmes avec les attentats terroristes qui sont faits au nom de l'islam. Les koufars, ils ont frappé sur tout le monde, sur tous les musulmans par la suite. Pas seulement sur ceux qui ont commis le problème. Hein? Donc le cheikh, il dit, donc ces gens-là, à cause d'eux, on a mal agi par la suite envers les gens qui aiment appeler à Allah. Parce que ces gens-là sont sortis de la voie de la da'wah, selon la bonne voie, la voie droite, vers des chemins et des lignes qui ne sont pas droites selon la charia et selon la logique, selon la raison. Le cheikh dit « Wallazi yuridu tibyana dhalik » فعليه أن يقرأ القصص القرآنية في دعوة الرسل والأنبياء وفي توجيهات الله عز وجل للخلق وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في دعوته الرحيمة وعليه أن يقرأ سيرة العلماء الربانيين علماء الشرع وعلماء تفسير القرآن وتفسير الحديث وفهم العقيدة على وجهها الصحيح. Le cheikh il dit, si vous voulez vraiment comprendre ça, eh bien, vous devez lire les histoires de la da'wah des prophètes et des messagers dans le Coran. Et également, comment ils ont orienté. Hein? Yani, kayfa, yani, ils ont orienté les hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent également lire l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Comment il a fait sa da'wah? Hein? L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a appelé les gens à Allah avec sa da'wah qui est plein de miséricorde. Et ils doivent lire également l'histoire des grands ulama, rabbaniyin, qui ont appelé et clarifié la charia d'Allah. Et également l'histoire des ulama de tafsir et des ulama de hadith, et qui expliquent le hadith et la compréhension de l'aqida dans sa compréhension correcte. Et ils vont voir que la da'wah, ça ne se fait pas de cette façon-là, hein? Que ça ne se fait pas de cette méthode-là, que ça, ce n'est pas un appel à l'islam. Le cheikh, il dit « Wa ala tullab al-ilm » وعلى طلاب العلم إن أرادوا أن يكونوا دعاة صالحين مصلحين أن يقرأوا نهج الدعوة فيما ذكرت يعني من كتب الله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده طريقة علمائنا الربانيين الذين ورثوا لنا بعد وبين أيدينا هذا العلم الشرعي في بطون الكتب من تفسير وعقيدة وحديث وشرح حديث وفقه ووسائل لهذه العلوم الشرعية التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال. Donc le cheikh il dit, et donc les tullab al-ilm, les gens qui cherchent la science, s'ils veulent être des gens qui appellent à Allah et qui sont pieux et réformateurs, eh bien ils ont le devoir par la suite de lire l'exemple de la voie de la da'wah dans ce qui a été rapporté et mentionné à ce sujet-là dans le livre d'Allah, dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam, dans la sunna des khulafa ar-rashidin après lui, et dans la voix de nos ulama rabbaniyin, les ulama éducateurs qui ont hérité pour nous, hein, devant nous, de cette science de la charia qui est actuellement dans les livres et dans les tafsirs, dans les livres de aqida, les livres de hadith, les explications des hadiths, et dans le fiqh, et dans les... hein, dans les moyens et les méthodes de transmission de ces sciences légales qu'aucun étudiant en sciences ne peut, hein, se passer. Ensuite, le cheikh il dit, on va s'arrêter là après, le cheikh il dit, « Idhan, fala budda min al-ihsan fi manhaj al-jihad wa manhaj al-da'wati ila Allahi ala al-wajh al-ladhi ashartu ilayhi » وهو مبسوط في مواضعه وفي كتب ألفها العلماء في هذا الشأن. Donc le cheikh il dit, donc il faut absolument faire preuve d'ihsan dans la méthodologie du jihad, dans la méthodologie de la da'wah à Allah, de la façon qui a été indiquée et telle que ça a été détaillé dans les livres, hein, qui sont plus élaborés par rapport à ces questions là et dans les livres qui ont été écrits par les ulama à ce sujet. Donc ça c'est très important pour être capable de comprendre la vérité par rapport à l'islam dans ces questions-là, de la da'wah et du jihad et de tout ce qui a rapport avec ces questions, et pour éviter de tomber dans l'égarement des khawarij et des groupes contemporains comme les ikhwan et les sururiyya et les qutbiyyin, qui font le takfir des dirigeants et qui appellent à la révolution et à des coups d'État ou à prendre le pouvoir par la force dans les pays musulmans, alors que ils contredisent la aqida et le manhaj des salaf al-salih. Donc ça c'est très très dangereux et c'est très grave, et on a vu les fitanes qui sont apparues dans les pays musulmans dernièrement à cause de ça, depuis 2 ans environ ou 3. Donc ça c'est des choses, il faut faire attention à ça, et il ne faut pas qu'on permette justement aux kuffar de jouer avec les musulmans et de les égarer facilement comme ça. Donc on s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barak, inshallah.